Une fois de plus, Marianne avait beaucoup pleuré. À 4h du matin, elle était rentrée chez elle, bien décidée à ce que Samuel ne la trouve pas en larmes. Une longue douche chaude, puis tiède, l'avait un peu apaisée. Ensuite, elle s'était préparé un petit déjeuner pantagruélique. Tant pis pour sa ligne, tant pis pour tout. Son studio, où elle ne vivait plus qu'à moitié, puisqu'elle passait une nuit sur deux chez Sam, était affreusement en désordre. Une bonne heure de ménage accomplie avec furie l'avait ramenée sous la douche. Puis elle s'était habillée, maquillée. Si malheureuse qu'elle soit, elle devait aller travailler. Au moins, elle n'avait pas de grosses responsabilités. Et même si la fatigue lui faisait commettre des erreurs, ce ne serait pas très grave. Tandis que Samuel, lui, allait jouer avec la vie de ses patients après sa nuit blanche. Car il n'avait probablement pas dormi. Y penser la rendait folle. Il suffisait que son ex-femme siffle et il accourait. Trop heureux d'être corvéable à merci. Non content d'avoir trouvé un emploi à Pascal, de lui avoir prêté de l'argent, il la promenait en hélico dès qu'elle s'ennuyait et lui tenait la main au moindre signe d'angoisse. Et tout ça pourquoi ? Par altruisme ? Bien sûr que non. Marianne ne croyait pas une seconde à cette prétendue amitié entre eux, à ce qu'il appelait de la tendresse pour mieux dissimuler ses sentiments. Au contraire, elle en avait l'absolue conviction. Samuel était toujours éperdument amoureux de cette garce aux allures de Sainte-Nitouche. Mal remis de son divorce, selon l'expression qu'il utilisait, voulait dire vraiment malade. Comment avait-elle pu s'imaginer le guérir ? Dans l'autobus qui la conduisait à Purpan, elle essaya de prendre une décision. Aurait-elle la force de le quitter sans le rappeler dans 3 jours ? Probablement pas. Chaque fois qu'elle était partie de chez lui en claquant la porte, elle était revenue d'elle-même, une vraie loque. À 8h moins le quart, elle descendit devant l'hôpital. Il faisait très froid et elle se hâta vers le bâtiment administratif. Une longue journée l'attendait, insipide et morne, avec des courriers à taper, les conversations futiles de ses collègues, un déjeuner infâme à la cantine. Et ce soir, elle rentrerait seule chez elle, probablement déjà prête à marcher sur son orgueil, surtout lorsqu'elle constaterait l'absence de messages sur son répondeur. En tout cas, réconciliée ou pas avec Samuel, elle ne passerait pas le réveillon de Noël à Pérols. Au moins, cette corvée lui serait épargnée. Il pourrait bien la supplier, pas question d'y aller. Elle préférait encore rester seule ou accepter l'invitation de ses parents, qui seraient ravis de l'accueillir, même à la dernière minute. « Bonjour, Marianne. Je vois que vous êtes toujours ponctuelle, c'est une qualité qui se perd. » Elle s'arrêta pour rendre son salut à Laurent Villeneuve. D'après les bavardages du personnel, et un homme comme lui en suscitait énormément, il arrivait presque toujours avant tout le monde à son bureau. Qu'il se soit arrêté pour lui dire bonjour était vaguement flatteur. Après tout, il était le directeur de cet immense CHU, et elle une simple secrétaire administrative parmi tant d'autres. Mais elle n'avait aucune illusion, cette faveur ne tenait qu'à son amitié pour Samuel. »